L'agenda. Radio Mont-Blanc. L'agenda. Radio Mont-Blanc, partenaire officiel des Pionniers de Chamonix, vous offre vos invitations pour tous les matchs à domicile de la saison 2025-2026. Le prochain match à la patinoire Richard Bozon, c'est demain soir, le mardi 30 septembre à 20h. Les Pionniers affrontent les Dragons de Rouen. Gros match en perspective pour gagner vos invitations. Vous envoyez Pionniers sur le WhatsApp de Radio Mont-Blanc. Vous avez l'habitude, 04 50 58 24 47. Radio Mont-Blanc, premier supporter des Pionniers de Chamonix. Salut, c'est Camille Durand, défenseur des Pionniers de Chamonix. Venez nous encourager à la patinoire de Chamonix. Go Pionniers! Autre idée de sortie pour cette semaine, le rendez-vous jazz incontournable entre la France et la Suisse est de retour. Je vous parle bien de Jazz Contrebande de Genève à Annecy en passant par Annemasse. Ce réseau transfrontalier réunit une quarantaine de lieux pour faire vivre le jazz, la soul, le blues, la fusion. Cette année encore, le festival propose une riche programmation de concerts, de masterclass et autres événements culturels. Évidemment, il y aura toujours le tremplin qui mettra en lumière de jeunes talents accompagnés et programmés sur scène. Le détail de toute la programmation est à retrouver sur jazzcontrebande.com. Et je vous emmène à Annecy ce week-end. Comme chaque année depuis 2010, le Hi-Fi Festival rassemble toute la communauté du ski. Festival du ski, mais pas que. Entre présentation de films, de conférences, sessions de dédicaces, animations, soirées, l'événement offre de quoi faire vibrer toutes les générations de passionnés de l'outdoor. Retrouvez les détails du programme sur hi-fi-festival.com.